Salut Brunos, aujourd'hui j'ai bien envie de vous parler d'un film qui m'accompagne depuis beaucoup d'années. Je vais vous parler de Jack Frost. Attention, pas le mélo mielleux avec Michael Keaton, non. Je parle de celui qui squatte les fonds de bac à 1 euro avec sa jaquette ultra moche. Ce très sympathique nanar fantastique nous narre les aventures d'un petit village cherchant à lutter contre un psychopathe dont l'ADN a fusionné avec la neige durant son transport vers son exécution. Le dit psychopathe se retrouve donc transformé en bonhomme de neige que rien n'arrête. Et son but est de se venger du shérif qui l'a coffré, et en toute logique, il entreprend de tuer un à un l'intégralité du casting, et donc du village, soit une petite douzaine de personnes, dont la russe nymphomane d'American Pie. Jusque-là, c'est du slasher basique teinté d'un fantastique à la Freddy. D'ailleurs, notre loquace psychopathe partage l'amour de la punchline avec le tueur d'enfants de Elm Street. Ici, pas de CGI, tout est fait en dur sur le plateau, et ça se ressent. Enfin, non. Ça se voit plutôt. Enfin, non, même, ça saute aux yeux. Même une grande suspension d'incrédulité ne vous empêchera pas de voir un gugus dans un costume mal branlé. Mais c'est aussi pour ça que je l'aime, moi, ce film. Il est fait avec peu de moyens, mais beaucoup de cœur, et la suite est encore plus fun. Et pour finir sur une note plus intellectuelle, connaissez-vous la différence entre un bonhomme de neige et une bonne femme de neige?